Le mec qu'on change de couleur, marijuana, une frappe comme marijuana en sort. Je la regarde danser, je crois qu'elle a ça dans le sang. Le sang l'a ambiancé. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sur le toit du monde, comme Cartier Offset. Sur le toit du monde, on regarde le sunset. Car il vit pour la claquer la recette. Elle me fait vibrer, elle a la recette. Nos cafons rentrent, pop, pop. Histoire de love et love. Love et love. Love et love. Yeah, yeah, yeah. Il me faut plus de love. Un peu plus de billets morts. Il me faut plus de love. Un peu plus de billets morts. Après on s'en va. Baby ça va. Après on s'en va. Baby ça va. La vida loca. Elle sait que je suis dans ça. La nuit je l'ai fait danser. Aïe. Ça c'est délicat, doucement je m'en écarte. Tous on fait des écarts, tous on fait des écarts. Tous, maman Monica, tous, maman Monica. Tous te parlent de moi, tous jalouse de toi. Nous deux c'est le meilleur combo. Faut plus pour nous faire tomber. Plus de sous c'est mon combat. Faut pas croire que je fais semblant. Histoire de love et love. Love et love. Love et love. Il me faut plus de love, un peu plus de billets morts. Il me faut plus de love, un peu plus de billets morts. Après on s'en va, baby ça va. Après on s'en va, baby ça va. Plus de my my, on leur dit bye bye. Plus de my my, on leur dit bye bye.